Message 1. Didier, c'est Naïma. Écoute, je serai à la maison plus tard que prévu ce soir, je t'expliquerai. Va chercher du pain parce que ce sera fermé quand je vais rentrer. Bise, à tout à l'heure. Message 2. Salut Fumi et Océane. Je sais pas ce que t'as prévu ce soir, mais ce serait sympa d'aller au cinéma si ça te dit. Appelle-moi avant 6 heures pour qu'on ait le temps de choisir quoi, où et à quelle heure. Je t'embrasse. Message 3. Oui, bonjour Pierre, c'est Ricardo. Voilà, je t'appelle au sujet de notre rendez-vous de samedi. Je ne pourrai malheureusement pas venir. J'ai un mariage dans le sud de la France. Rappelle-moi quand tu auras ce message pour se voir à un autre moment. À bientôt! Message 4. Théo chéri, c'est Alice. Écoute, je suis à la gare là, mon train a 1 heure de retard à cause d'une panne électrique. Donc c'est pas la peine de venir me chercher à 5 heures, viens plutôt à 6 heures. S'il y a d'autres problèmes, je te rappelle. Bisous, bisous. Message 5. Bonjour Alain, c'est Saïd. Dis-moi, est-ce qu'on peut décaler notre rendez-vous, disons, au jeudi 19 à 15h? Si ça te dit, on peut se retrouver devant la station de métro Rome. Rappelle-moi pour me dire si c'est possible pour toi. Salut !